Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Deuxième série, Les Compagnons de l'Arche. Troisième partie, Les Enfants de l'Arche de Noé. Chapitre 1er, L'Émissaire. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis le départ mystérieux de Don José, et comme nous l'avons dit dans le précédent chapitre, aucun des serviteurs du château ne s'était douté que le duc légitime avait remplacé le faux duc de Clodion. Angèle Maréchal, qui vivait dans l'intimité de la famille, remarqua, il est vrai, que l'attitude respective des deux époux était plus réservée, plus froide, mais elle attribua ce refroidissement à une brouille passagère survenue dans le jeune ménage. Ainsi le duc et le marquis, après le déjeuner, partaient pour la chasse et ne rentraient le plus souvent qu'à l'heure du dîner. Et aussitôt le dîner terminé, Jean, au lieu de demeurer auprès de la duchesse, se retirait dans sa chambre. Mais ce départ subi pouvait se mettre sur le compte de la fatigue de la journée. Angèle fit encore une autre remarque. Le duc, qui occupait au rez-de-chaussée une chambre voisine de celle de Fernande, s'était tout récemment installé au premier étage, dans cette vaste pièce où Madame de Sanlouco avait passé la nuit 15 mois auparavant. Mais ce changement avait une explication toute naturelle. La petite Jeanne s'éveillait plusieurs fois pendant la nuit, ses pleurs interrompaient le sommeil de sa mère et pouvaient, à la longue, compromettre sa santé. Il n'était donc pas extraordinaire que la nourrice et l'enfant eussent été placés dans la chambre précédemment occupée par le mari de la duchesse. Pendant que ceci se passait au château de Kerdal, Carmela, qui ne voyait point Don José arriver à Paris avec sa femme, commençait à s'étonner. Enfin, ne pouvant plus maîtriser son impatience, elle lui écrivit une lettre pleine de menaces voilées, mais parfaitement claires, pour celui auquel elles étaient adressées. Cette lettre resta sans réponse. La créole, dans sa colère, eut un moment la pensée d'aller en personne relancer le bâtard. Mais il y renonça bientôt. Sa liaison avec le mari de Fernande était connue, et l'épouse outragée pouvait la faire chasser honteusement si elle osait se présenter de nouveau au château. Cette crainte l'arrêta. Depuis longtemps, elle n'avait plus de secret pour Hector de Livran, et elle l'avait instruit de son projet de s'approprier la fortune de la duchesse de Clodion. Dans la perplexité où elle se trouvait, elle eut recours à lui. « Ce duc de contrebande me brabe, lui dit-elle un jour, et il semble oublier que d'un mot je peux lui faire fermer les portes du château du marquis. Il était parti pour aller chercher sa femme, et il ne revient pas. Je lui ai écrit, et il ne m'a pas répondu. Je veux savoir pourquoi. » « Je comprends, repartit Hector. « Mais comment le savoir ?»« Ce serait d'envoyer là-bas un homme intelligent et sûr, mais où trouver l'homme qu'il nous faudrait ?» L'ex-ténor réfléchit pendant quelques instants. « Je connais un individu qui remplit toutes les conditions désirables et qui, moyennant finance, fera tout ce qu'on lui demandera. Quel est donc cet homme ?»« C'est une sorte de protée revêtant toutes les formes, tous les déguisements, et retort comme un huissier à l'affût d'un débiteur. Il se nomme le Cormoran. » Singulier nom, mais qu'importe si l'on peut compter sur lui. Comme sur un caniche, pourvu qu'on le paye grassement. Envoyez-le-moi, répliqua la créole. Demain il se présentera chez vous de ma part, répondit le vicomte. Hector, dans la soirée du même jour, se rendit auprès de M. Mélinet. Qui diable t'amène ? Lui demanda l'ancien adorateur de Carmela. J'ai besoin de Cormoran, et je viens vous l'emprunter pour quelque temps, répondit l'ex-ténor. Qu'en veux-tu faire ? Hector expliqua la chose en deux mots. « Ah hein. Ce n'est pas assez que ta créole ait soutiré 1 million à ce duc d'emprunt, » repartit Maresco Mélinet. « Elle va encore palper les millions de la duchesse. Elle est très forte, cette petite Carmela. »« Eh bien, puis-je disposer de Cormoran ?»« Oui, mon fils, mais à une condition. Tu comptes, n'est-ce pas, mettre également dans ta poche les gros millions de cette pauvre duchesse lorsque ta houri les aura fait dégorger au bâtard. Ça se pourrait bien. Je ne demande pas mieux, mon gaillard. » que de t'aider à les confisquer, mais tu en feras ton deuil. Comment cela ? J'ai bien voulu te laisser 1 million de Carmela, mais c'est assez comme ça. Les autres entreront dans le boursicot de la société avec ceux de l'anglais, et ces deux magnifiques coups de filet faits, notre honorable corporation pourra se dissoudre et chacun de ses membres s'en aller où bon lui semblera vivre de ses rentes. Mais l'affaire dont je vous parle m'appartient, elle est mienne. Elle est devenue nôtre, puisque tu m'en as parlé et que tu as besoin de Cormoran. Tu auras, mon petit vicomte, ta part du magot comme tes camarades, mais pas un rouge-lierre de plus. Cependant, il me semble, il te semble mal, mon garçon. Comment 1 million de Carmela, plus ton dividende dans ceux de la duchesse, ne te suffisent pas ? Quel appétit d'ogre ! Qu'il en est ainsi, répliqua Hector, je me passerai de cormorans. Je m'adresserai à quelqu'un d'autre qui ne fera pas partie de l'association et j'agirai pour mon compte personnel. C'est ce qui te trompe, l'ami, fit sèchement Marescot. Si tu ne m'avais pas parlé de la chose, fort bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, du moment où... C'est une filouterie, interrompit l'ex-ténor hors de lui. Plus de gros mots, mon fils. J'ai les oreilles délicates et le poignet solide. Maintenant, écoute bien ceci. Persiste à vouloir prendre l'affaire pour ton compte et tout craque, tout rate, je te fais flanquer à la porte de ta princesse. Allons donc, dit Hector en levant dédaigneusement les épaules. Et ça ne serait pas long encore. Je voudrais bien savoir comment. Il me suffirait, petit, d'envoyer à ta dulcinée une copie certifiée conforme de ton acte de mariage. Cette menace radoucit subitement l'ex-ténor. Toutefois, il hasarda encore une question. Fort bien, mais lorsque les millions de la duchesse seront dans les mains de Carmela, comment vous y prendrez-vous pour les lui subtiliser? Quant à cela, mon fils, c'est mon affaire et non la tienne. J'ai pour habitude de ne divulguer mes plans que lorsqu'ils doivent être mis à exécution. Mais assez causé sur ce chapitre, passons à un autre. Sœur Joanna Sley est-il toujours absent? Toujours. As-tu appris où il est allé? Il a quitté un beau soir son hôtel de la rue de Tilsit sans faire connaître l'endroit où il se rendait. Il ne peut pas laisser indéfiniment ses millions à la Banque de France, dit Marescot. Il reparaîtra forcément sur le haut un de ces matins. Tiens-toi toujours à l'affût et préviens-moi dès qu'il sera de retour. À présent, mon fils, ajouta-t-il en s'étirant les bras, je me sens sommeil. Viens le bonsoir. Demain à midi, le cormoran sera chez Carmela et tu sais, pas de tricherie et pas de boulette. Tu connais l'article additionnel de notre code. Toute trahison de nature à mettre en péril l'existence de la Société des Compagnons de l'Arche de Noé est punie de mort. Hector de Livran sortit la tête basse et tout désappointé de chez le bonhomme Mélinet. La captation rêvée des millions de la duchesse de Clodion lui échappait en grande partie et nul moyen de lutter avec son chef de file. Marescot le tenait en respect d'un côté par la menace de divulguer son mariage à Carmela et d'autre part avec le terrible article additionnel du code des compagnons de l'Arche. Le lendemain, à midi précis, le cormoran, vêtu d'une redingote noire presque neuve, d'un pantalon gris perle et d'un chapeau mou en feutre, se présentait chez Madame de Sanlouco. Ce fut Rose qui lui ouvrit. Tout d'abord, elle ne le reconnut pas, tant il ressemblait si peu, sous cet accoutrement, au cormoran qu'elle avait vu maintes fois dans la maison de la rue des Saules. « Vous ? Vous ? » dit-elle enfin. « Oui, ma petite chatte, » répondit-il en se dandinant avec une certaine fatuité. « Mais que venez-vous faire chez nous ainsi attifé ? » demanda Rose. « Motus, » fit le cormoran en mettant un doigt sur sa bouche. Puis il ajouta à voix basse, « C'est M. Mélinet qui m'envoie. » La camériste, à ce nom redouté, eut un frissonnement involontaire. « N'aie pas peur, ma poulette, » dit le cormoran en souriant. « Je ne viens pas ici pour toi, mais pour ta maîtresse. » « Madame de Sanlouco, précisément, mon chou. Et que peut-elle vous vouloir ? Une mission de confiance dont elle désire me charger. Quelle mission ? Je le saurai quand elle me l'aura appris. Mais assez causé, ma fille. Annonce-moi et rondement. » Rose courut prévenir Carmela, et quelques instants après, le cormoran était introduit dans un petit salon. La créole était nonchalamment étendue sur un divan. Elle se contenta de lever la tête, sans quitter sa position, et l'examina attentivement celui qui venait d'entrer. « Vous vous nommez, dit-elle, le cormoran, madame, et vous venez de la part de monsieur le vicomte Hector de Livran. J'ai ouï dire que vous étiez intelligent et discret. Intelligent, c'est possible, madame, discret, c'est certain. Voici ce dont il s'agit. Vous partirez aujourd'hui même pour Bannes. » Chef-lieu du département du Morbihan, répartit le cormoran, qui n'était pas fâché de faire parade de ses connaissances en matière de géographie. Arrivé à Bannes, vous vous rendrez immédiatement au château du marquis de Kerdal. Je le vois d'ici, madame. Il est situé sur une falaise à 20 ou 25 kilomètres du sudit chef-lieu. Ensuite, le marquis a une nièce mariée au duc de Clodion. Tous les trois habitent le château. Vous observerez tout ce qui s'y passera, ce que fait le duc, dans quel terme il est avec sa femme, s'il projette quelque prochain voyage à Paris ou ailleurs, si la duchesse doit l'accompagner. En un mot, vous me tiendrez au courant de ce que vous aurez vu et entendu sans qu'on soupçonne que vous ayez des yeux et des oreilles, et vous m'enverrez un rapport détaillé tous les 2 ou tous les 3 jours. Comment pénétrerez-vous dans la place? Ceci ne me regarde pas, c'est votre affaire. C'est mon affaire en effet, madame. Et puis après, Quant à la rémunération de vos services, vous la fixerez vous-même. Je préfère m'en rapporter à la générosité de madame. Eh bien, je vous allouerai 500 francs par mois. Cela vous convient-il ? Oui, madame. Et voici le premier mois payé d'avance. Repartit Carmela en tirant de son portefeuille un billet de banque de 500 francs. Madame n'aura pas à se repentir d'avoir fait choix de moi, dit le cormoran en faisant lestement passer le précieux chiffon de papier dans sa poche. Ainsi, reprit la créole, c'est bien entendu, vous partez aujourd'hui, ce soir, madame. Et tous les deux jours, vous m'adresserez un rapport, tous les deux jours. Si j'ai d'autres instructions à vous donner, je vous écrirai là-bas. L'entretien était terminé. Le cormoran s'inclina respectueusement devant madame de San Luco et sortit. Eh bien, lui demanda Rose, qui guettait son départ, savez-vous maintenant ce que madame avait à vous dire ? Oui, ma petite biche, répondit le cormoran en se dandinant de réchef avec un sourire passablement fat. J'écoute, répliqua mademoiselle Rose en tendant l'oreille. Le cormoran se campa majestueusement sur ses jarrets, prit une pose théâtrale et d'une voix emphatique il prononça ces mots. Il s'agit d'une mission diplomatique, et madame de San Luco m'a nommé son ambassadeur auprès du roi des Belges. Là-dessus, il partit d'un gros éclat de rire et décampa en tout tas de l'hôtel pour se soustraire aux ongles menaçants de la jolie camériste.